Les commentaires de Roger Brulotte. Salut Roger. Bonne journée. Roger, si on parlait d'abord de la série entre Lightning et les Rangers, on va dire une chose, le Lightning sait comment gagner. Hein. C'est une équipe d'expérience, puis ça a paru vraiment. Là. Il n'a pas paniqué. Je pense que dans les deux premiers matchs, il faut donner l'avantage quand même. Il était quand même une équipe rouillée, mais là, je pense que ils vont être difficiles à arrêter. Si tu veux gagner un championnat, une C'était pas coupe un cette gardien. année, tu ne te fais pas battre dans la dernière minute de jeu. D'accord? Les Rangers ne savent pas comment gagner. Ils avaient ça à leur portée lors du troisième match. Ils se sont fait marquer un but en tout fin de match. Une équipe gagnante doit savoir comment protéger cette avance et les Rangers ne savent pas encore comment le faire. Ben, c'est ça. C'est une équipe jeune. Ils sont en apprentissage. Ça a pris du temps avec le Lightning et Tampa Bay, là. Ils sont pas venus tout seuls, là. Ça a pris plusieurs. Ah, ben écoute, c'était Ouais. au moins 5 ou 6 ans avant que les Ouais. 49 gagnent 2 coupes cette année de finie. Ouais. Et ils ont gagné, ils n'ont pas fait des séries, ils sont venus, ils sont fait pas dans la semi-finale. Mais là, l'équipe est là. Si tu regardes le Le gardien de travail but. et le travail de Brisebois. Moi, le travail de Brisebois, il ne faut jamais l'oublier. Pourquoi je mentionne ça? Tu regardes Brisebois, ce qu'il a fait comme directeur général. À chaque année, il trouve le moyen de rajouter des joueurs. Tu regardes Perry qui est là cette année. Il connaît toute une série, lui, encore. Il était bon avec le Canadien, mais la différence, c'est lui dans les séries présentement pour Tampa. Pas nécessairement le joueur dominant, mais le joueur clé. OK. Non, c'est un joueur important. Quand on parle des Leafs de Toronto, qui manquait de leadership, un gars comme Corey Perry, ça coûte pas cher, il coûte pas cher, puis il sait comment jouer au hockey, le gars, là. C'est un rouage Il important sait comment là. gagner. Ouais, Il effectivement. sait comment provoquer une équipe. Ouais. Il sait les choses qu'il a à faire. L'année passée, dans les séries, il a joué un rôle important avec le Canadien. Maison. Et dans le cas de Julien Brisebois, il a fait toute une acquisition quand il est allé chercher Perry. Ouais, effectivement. 1 million, je pense, quelque chose de même. C'était pas cher, là. Ah oui. C'était. Et il joue plus pour l'argent, il joue pour s'amuser. Ouais, C'est ça effectivement. qui est la différence. Effectivement, effectivement. 2 matchs 3 importants ce soir, le Rocket et les Celtics. Mais le Rocket plus important. Ouais, j'aime bien les Celtics également, Oui, mais Celtics, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, C'est pas, c'est, je pense que les Rockets, eux autres, n'ont pas le talent pour remonter la pente. Je pense pas. Je pense que, j'allais voir les matchs, Springfield est bien dominant. Springfield a plus d'expérience avec les vétérans au sein de l'équipe. Je pense que c'est là qu'il y a la grande différence. Tandis que les Celtics, écoutez, à domicile, ils sont excitants à voir. C'est le fun à les voir aller. Tes voix aller, ils font le travail, ils gagnent des matchs, ils jouent des matchs serrés, puis ils remportent des victoires. C'est du basketball très, très excitant. Et veut pas, Curry, on le neutralise quand on joue à Boston. Ouais, là, on ne sait pas s'il va jouer ce soir. Il est blessé, Steph Curry. Semble-t-il que oui, là, mais c'est encore un coup douteux pour le match. Mais je reviens au Rocket. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça ressemble beaucoup aux Canadiens l'année passée? S'ils sont rendus là, c'est pas une équipe très talentueuse, mais Oui, mais ils ont fini à meilleure position. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est parce qu'ils ont fini à meilleure position que le Canadien. Le ouais, mais je Canadien veux. était mis au dernier rang. Système de jeu, tu sais, il respecte le système de jeu Ah ben oui, mais le et système de jeu, si tu regardes ton club ferme représente ce que ton club national fait. Et ça, le Rocket fait très bien. Et Jean-François Houle mentionnait les choses les plus importantes. Souvent, il se laisse emporter par l'émotion. Tu sais, là, présentement, là, pour un jeune joueur là, qui s'en va jouer à Place Belle à Laval, attache-toi, là. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. L'ambiance dans le premier 10 minutes, Ben, c'est c'est incroyable, ça. incroyable. On voit ça à TV, là, ça À c'était. toutes les fois que tu frappes un joueur, il y a une réaction de la foule. C'est réellement spectaculaire. Ah non, je vois ça à TV, puis je trouve ça impressionnant. Tu sais, puis imagine-toi, La foule est très active, ça, je peux te dire ça. Très active. pour un amphithéâtre de la Ligue américaine, on va dire en affaire, ça doit être quelque chose de très important. Oh, mais c'est toujours plus excitant dans les mineurs que dans la Ligue nationale. Parce que dans les mineurs, c'est partisans de hockey. Dans la Ligue nationale, c'est les gens qui ont de l'argent pour le hockey. C'est pas la même chose. Hey Roger, je veux te parler des Blue Jays. Ça a quand même changé assez vite pareil. Hein. On parlait on pensait que Charlie Montoyo t'as même écrit un papier, puis j'étais pas contre ton papier non plus, là. Tu disais est-ce qu'on va peut-être congédier est-ce que c'est le temps de congédier Montoyo? Ça replace drôlement. J'avais dit non. J'avais dit non. J'ai dit, faut avant tout faire ça, il faut absolument que tu congédies les entraîneurs adjoints. Et, donnons crédit, l'entraîneur adjoint a fait tout un travail avec avec des coureurs en position de marquer. Il a fait le changement nécessaire. Vous savez, le succès des Jays dans les derniers matchs, c'est maintenant avec des coureurs en position de marquer, le coup sûr, le roulant à l'avant-champ ou le ballon sacrifice suit. C'est là qu'est la grande différence. Moreno a été rappelé, c'est un blue chip, c'est un prospect incroyable. Je pense pas qu'il retourne à Buffalo. Il est là pour rester. Je pense que c'est pas le temps de l'emmener. OK. Lui, il doit apprendre à jouer. Là, il s'en vient dans une course au championnat. C'est pas la même chose. Ouais. Et les Jays ont besoin des vétérans derrière le marbre. Là, okay. T'en as pas, là. Un gars qui sort du A, t'as un gars qui a joué un peu des divisions mineures. Écoute, bien, là, tu t'en vas vers les séries. Oui. OK. Mais ce que je voulais dire, est-ce que tu penses que les Blue Jays vont. Il y aura un échange concernant un receveur, que ce soit Kirk ou Jensen, mais que ça arrive sûrement, hein? Parce que Moreno, lui, ça prendrait beaucoup qu'on échange Kirk. On va aller voir s'il y a un vétéran disponible. Okay. C'est ça qu'il faut regarder. Si tu amènes un vétéran au sein de ces deux-là, ça va être très bon. Et ça te prend un vétéran. Ah, c'est clair. Sans aucun doute. Jensen fait du bon travail, mais là, il est actuellement blessé. Roger, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. OK. Commentaire de Roger Bullitt.